cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahum ma ba'd. Maada akhadna fi ad-dars as-sabiq? C'était quoi le sujet de notre dernier dars? Indaman aqidatu ahli as-sunnah wal jama'ah fi as-sahaba. La croyance des gens de la sunna concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فما هي عقيدة أهل السنة في الصحابة؟ آه، تفضل. نحبهم. نعم، نحترمهم. كذلك. نعم، بالعربية. نبغض من أبغضهم. نبغض من أبغضهم في الله عز وجل. كذلك، كما قال الأخ. On suit leur compréhension fi an-nusus. Man yadhkur adillatan fi hadha? Cheikh Mohamed hafidhahullah il a cité plusieurs adillah min al-kitab min as-sunnah fi hadha. عند من تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسب اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم أنفق مثل أحد ذهب أحدهم ولا نصيفة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit d'insulter الصحابة. لا تسبوا أصحاب. ومن القرآن تفضل. والسابقون الأولون من المهاجرين زد والذين نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ce verset montre أن الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء الأفاضل. الله سبحانه وتعالى il était satisfait de هؤلاء. Et certains groupes se sont égarés في هذه المسألة العظيمة. On a cité من الروافض ومن النواصب. فما هي عقيدة الروافض في الصحابة رضي الله عنهم؟ تفضل. الروافض يطعنون في الصحابة. نعم. أما الروافض يطعنون. Ils insultent, ils se moquent, ils mentent sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bal kaffarouhum. Ils les ont rendus kuffar, ou la plupart d'entre eux, illa nafaran yassiran minhum. Et ha'oula kama la yakhfa, c'est des kafara. Et aujourd'hui, on va voir, bi'idnillahi azza wa jal, le hukm de celui qui insulte le sahaba. Kadhalik, on avait un autre groupe par rapport à notre sujet. An-nawasib. ماذا يقولون؟ نعم يطعنون في أهل البيت. لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه l'a cité dans le premier vers ou dans ce vers الصحابة أهل البيت. فهذا خلاصة ما تقدم. C'est un باب عظيم ما يتعلق بالصحابة. Et aujourd'hui inshallah on va essayer de finir ce chapitre sur الصحابة. من يريد يقرأ تفضل اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه يا سعيد بن ابي واحده رزق الهدام للهدايه يسال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني همه ولا يتبدل حب السعاده كلهم لي مذهب وموده قربى بها اتوسل ولكلهم قدر على وفدائل لكننا صديق منهم أفضل. أحسن. قبل أن نقرأ أخ سأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد حديث صحيح. Un autre hadith, en apparence, ça peut poser un problème à certains, C'est hadith rapporté à Thamania min al-Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Umama, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar wa Mu'adh, et d'autres, radiyallahu anhum, ils ont rapporté à Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qala inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mitlu al-qabd ala al-jamr. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, anna un temps après vous viendra un as-sabr, patienter, ça sera comme tenir une braise. Ad-din, il sera gharib, ça sera difficile d'appliquer. Lil'amil fihinna mitlu ajri 50 rajulan ya'maluna mitla 'amalikum. À cette époque, l'époque de Ghurba, ad-din il sera combattu kathiran. Et ceux qui l'appliquent, ils seront combattus, ils seront ghuraba, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, touba lil ghuraba. Fahaoula, si, quand ils feront un amal que ceux d'avant eux ils ont fait, ils auront la récompense de 50. Adjuru khamsina rajulan. La récompense de 50. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, wa zadani ghayru utba. Qila ya Rasulallah, adjuru khamsina minna ou minhum. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la récompense de 50 d'entre nous ou d'eux. Aïe, le sahabi pose, est-ce que ça sera la récompense de 50 d'entre nous? Aïe, des compagnons du prophète alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam bal ajru khamsina minkum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu la récompense de 50 parmi vous. Aïe, des compagnons du prophète alayhi wa sallam. Had al-hadith, kathir min al-ulama ils l'ont da'af. Il a plusieurs chaînes de transmission. Enfin, certains savants ils l'ont da'af. Et d'autres, avec toutes ces chaînes de transmission, ils l'ont sahah ou hassan. Wa minhum al-imam muhaddith al-asr, Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, kama fi as-silsilat as-sahiha. Le hadith numéro 494. 494. Fahada awwalan. Anna fil haqiqa, en apparence, il n'y a pas de contradiction. Si on dit que le hadith il est faible et l'autre hadith il est sahih. Il y en a le premier hadith qu'on a lu ensemble dans le dernier dars. Si vous donnez l'aumône, vous faites une sadaqa, ça ne sera pas équivalent à, même si vous donnez la montagne de Uhud en or, ça ne sera pas l'équivalent de un mud d'un des compagnons du prophète. Le mud c'est les deux mains jointes, ou la moitié. Hada hadith. Le deuxième hadith, annahum ils feront des œuvres et ils ont la récompense de 50 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En apparence, il peut avoir un ishkal. Donc, si on dit que le hadith, il est da'if, intahayna. On dit le hadith, ou qu'il y a, annahum, ils auront la récompense de 50 compagnons, il est faible. Et l'autre hadith, le premier, il est sahihain, il n'y a aucun problème. Wa ala sihat al-hadith, comme il l'a sahah, Sheikh al-Albani, wa ghayru. Al-ulama, ils ont expliqué, on lit la parole de l'Hafid ibn Hajar, elle est simple et résumée. قال حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة. نعم. Ce hadith, même si on dit qu'il est authentique ou il est hassan, المهم il est ثابت, ça ne veut pas dire que هؤلاء ils seront meilleurs que les compagnons. Là, sur ce amal, ils auront la récompense de 50. لكن الصحابة la chèque, ils ont fait beaucoup plus de amal, ils ont beaucoup plus de ajr. Il n'y a aucune comparaison. Qala la yadul ala afdaliyat ghayr as-sahaba ala as-sahaba li anna mujarrad ziyadat al-ajr la yastalzim thubut al-afdaliya. Wahid peut avoir beaucoup plus de récompenses d'un amal qu'un autre, et cet autre il est meilleur que lui عند الله عز وجل. Li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré dans ce amal ils ont la récompense de 50. Il n'a pas dit ils sont meilleurs que mes compagnons. Là, tous les hadiths qu'on a vus et les versets, ça montre que As-Sahaba radiyallahu anhum, c'est afdal hadith l'umma. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit clairement, khayrun nas qarni, les meilleures personnes, c'est les gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadith amma, des hadiths généraux qui montrent anna As-Sahaba, ils sont afdal, et t'as des hadiths khassa, mitla hadha, si on dit qu'il est sahih, ça montre que dans certains cas, ce amal, pour eux, il sera équivalent à la récompense de 50 parmi les sahaba. Qala rahimahullah wa aydan فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré ils feront des œuvres que vous avez faites et ils auront la récompense de 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile pour هؤلاء. Ils seront seuls, ils seront combattus, personne pour les aider. Enfin, ce amal qu'ils ont fait pareil, ils auront cette récompense. Mais vous, c'est pas sur tous les amal. Faut pas comprendre que chaque amal qu'il fera, ça sera multiplié par 50. Thumma il conclut, enfin, ils auront plus de récompense que sahaba. Là, les œuvres que sahaba y font, ceux qui sont venus après, ils en ont pas fait autant. Et كذلك هذه الفضيلة elle est spécifique à certaines œuvres. C'est pas dans tout. قال رحمه الله فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. نعم. Ça c'est sur certains أعمال. أما le simple fait que هؤلاء ils ont accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم. Le simple fait que هؤلاء ils ont vécu la révélation. Ils ont fait le hijra avec le prophète صلى الله عليه وسلم. كذلك ils ont fait le jihad avec le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est incomparable avec l'a'mal de ceux qui sont venus après. فلهذا بعضهم ils ont demandé à certains imams, est-ce que Omar ibn Abdul Aziz, l'imam, le khalifa, le kabir, est-ce qu'il était meilleur que Muawiyah, le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم? بعضهم ils ont répondu al-ghubar, la poussière que Muawiyah il a soulevé en faisant le jihad avec le prophète صلى الله عليه وسلم, ça équivaut à des milliers de Omar ibn Abdul Aziz. C'est incomparable un sahabi avec un autre. Lakin, dans certaines œuvres, ils ont la récompense de 5 ans. Fahad. Et Cheikh al-Islam, il a un kalam. Nafi'a kadalik. Al-Imam Shawkani kadalik. Il a un kalam mukhtasar. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أعمال الصحابة فاضلة مطلقة من غير تقييد لحالة مخصوصة أي الأعمال que les sahaba ils ont fait, ils sont meilleurs que l'a'mal de ceux qui sont venus après. On a le hadith, même celui qui donne en aumône la valeur de Uhud en or, ça ne sera pas équivalent à Umud d'un sahabi ou la moitié. Donc, le hadith, il est général. قال, كما يدل عليه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب الحديث إلا أن هذه المزية للسابقين منهم وأما أعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونها أفضل على الإطلاق إنما ورد ذلك مقيدا بأيام الفتنة وغربة الدين. نعم. أما ceux qui sont venus après, dans certains cas, أيام الفتن, أيام الغربة, ça sera très difficile. Si fait ce amal, cette sunna, et il patiente tellement que c'est difficile, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense de 50. لكن dans ce amal, pas dans tout. قال فإن أعمال من بعدهم أفضل من أعمال الصحابة في زمن الطمأنينة وانتشار. لا هذا كلام آخر. قال حتى كان أجر الواحد يعدل أجر 50 رجلا من الصحابة فيكون هذا مخصصا لعموم ما ورد في أعمال الصحابة فأعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدهم مفضولة إلا في مثل تلك الحالة. Donc c'est ça la règle. أعمال الصحابة ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après, comme dans Hadith Abi Sa'id. Et dans certains cas spécifiques, ceux qui sont venus après, ils ont la récompense de 50. Et là, tu ne peux pas comprendre de ce hadith, que ceux qui sont venus après, ils sont meilleurs. Par rapport à ce hadith, Cheikh al-Islam, il a un kalam nafis fi hadha, et il est tawil. Celui qui veut le lire, il est fi majmou' al-fatawa, al-mujallad al-hadi ashar. Wallahu ta'ala a'lam. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. Après avoir démontré عقيدة السلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, شيخ الإسلام dans ce vers il démontre أن on aime tous les compagnons et ils sont tous à la خير لكن الصديق أبو بكر c'est le meilleur d'entre eux. Il veut démontrer l'un, parmi la croyance des gens de la sunnah, certains compagnons sont meilleurs que d'autres et ils sont tous à la khayr. Et on avait expliqué, كذلك, al-anbiya wal-rasul, c'est tous des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur d'entre eux. Wa hakada al-Qur'an, wa hakada beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, lakin il élève une partie de cette chose sur les autres. قال بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للصحابة فضائل وقدرا وسواء كان ذلك لنوعهم أو لأفرادهم. الأفضلية كما قال هنا elle se divise en deux. Tu vas avoir des groupes de sahaba qui sont meilleurs que d'autres. Mathalan, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, ils sont meilleurs que les autres. Ça, c'est un nawa. Et cette catégorie de sahaba, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après. Ou mathalan, as-sabiqoun al-awwaloun, qui étaient au départ, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après. Kadhalik, les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé le jannah, ils sont meilleurs que les autres. Enfin, tu trouves des catégories par rapport à un temps ou par rapport à un lieu, ils sont meilleurs que d'autres. Kadhalik al-afrad. Al-afrad, c'est une personne. Mathalan, Abu Bakr, il est afdal que tous les autres sahaba. Omar, il est après Abu Bakr, il est afdal que les autres. C'est ça son qawl al-naw' wal-afrad. Al-naw' c'est catégorie. Mathalan, Badr. Et al-afrad, par exemple, Abu Bakr, il est meilleur que Omar, etc. Qala. فمن فضيلة النوع من شهد منهم بدرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Ça c'est une fadila que les compagnons qui ont assisté à Badr ils ont eu. Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés بهذا أي il leur a pardonné. Donc cette catégorie, elle est afdal. قال وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند أحمد وعمر بن الخطاب وأبي هريرة عند أحمد وغيره. حديث جابر إلى في مسند الإمام أحمد. حديث عمر حديث أبي هريرة إلى في مسند أحمد dans d'autres livres. وكلها في الصحيح المسند اتوسي حديث شيخ مقبل اللي زاسيتي في الصحيح المسند لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. ومنها ايضا فضيله من شهد الحديبيه. Ça c'est un autre nom, une autre catégorie. كذلك ils ont une fadila sur d'autres, ceux qui ont assisté au sulh de l'Hudaybiyah. لحديث ام مبشر في صحيح مسلم رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعنده حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فضيلة عظيمة. Pour ce nom, ceux qui ont assisté à la bay'a sous l'arbre, فهؤلاء ils rentreront pas في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أي ils ont compris أو elle a compris du verset وإن منكم إلا واردها. أي chacun de vous il traversera le nar donc il rentrera. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a démontré أن الله سبحانه وتعالى قال ثم ننجي الذين اتقوا أما المتقين لا ils rentreront pas في النار. قال وكذلك من فضيلة النوع فضيلة من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هكذا ست كاتيغوري. Ceux qui sont rentrés في الإسلام avant le fath مكة. Ils sont أفضل que ceux qui sont rentrés في الإسلام après que مكة ça soit devenu une terre d'Islam. كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Ce verset il est طيب في الدلالة لأن كما قال عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. Ils sont tous à la خير. لكن il y a des groupes ou des catégories, ils sont أفضل. مثلا ceux qui ont assisté à Badr, ceux qui ont assisté à Al-Bay'a تحت الشجرة, كذلك ceux qui sont rentrés في الإسلام avant الفتح فتح مكة. أما ils sont tous à la خير. المؤمن أصلا il est à la خير s'il meurt à la التوحيد والإيمان. فما بالك بهؤلاء الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال donc ça c'est par rapport au nom. Il a cité trois catégories et c'est des exemples, il y en a d'autres. Il a cité Badr, il a cité Al-Hudaybiyah لما بايعوا تحت الشجرة, et il a cité قبل الفتح. قال أما فضيلة أفرادهم فكثيرة جدا وقد ألفت في ذلك كتب للمتقدمين والمتأخرين. نعم, des livres sur As-Sahaba qui démontre les mérites, c'est qui le meilleur avec l'adilla, etc. وقوله لكنما الصديق منهم أفضل قال النووي رحمه الله واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي نعم unanimité de أهل السنة أن أبو بكر c'est l'أفضل et ensuite عمر et الجمهور la majorité أن عثمان il passe avant علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان certains من أهل الكوفة en Irak à l'époque ils disaient que علي il est أفضل من عثمان والمشهور الصحيح تقديم عثمان نعم لكن القول الصحيح l'avis de la grande majorité c'est que عثمان il est أفضل et Cheikh al-Islam il a cité ces masail fi al-wasitiyya et il a démontré que après أهل السنة ils se sont tous rassemblés que عثمان il est أفضل. Donc l'ordre c'est Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Le même ordre que dans le Khilafa. Le même ordre que dans le Khilafa. Le premier calife c'est Abu Bakr, après Umar, après Uthman, après Ali. كذلك في الأفضلية c'est le même ordre. قال أبو منصور البغدادي رحمه الله أصحابنا مجمعون أو مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور. Donc les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les quatre califes. Thumma tamam al-ashra. Et les quatre califes, c'est al-afdaliya, c'est le même ordre que le khilafa. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Thumma tamam al-ashra. Na'am, et on va les citer, inshaAllah. Thumma ahl badr, thumma Uhud. Aïe, les dix, les six autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, annahum, ils iront fi al-jannah tamam al-ashra ay al-mubashsharun ay nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a annoncé qu'ils iront fi al-jannah et ils étaient encore vivants les quatre plus Talha plus Abdurrahman ibn Auf plus Abu Ubaida ibn al-Jarrah plus Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'id ibn Zayd haoula c'est afdal hadhihi al-umma qala thumma ahlu badr thumma uhud après les dix ceux qui ont assisté à badr Après ceux qui ont assisté à Badr, ceux qui ont assisté à Uhud. Thumma bay'atul ridwan. Après ceux qui ont fait al-bay'a. تحت الشجرة. قال العراقي رحمه الله في ألفيته والأفضل الصديق ثم عمر وبعده العثمان وهو الأكثر. أي أكثر من حيث أقوال أهل السنة. La plupart, ils ont fait passer عثمان avant. Donc, الصديق ثم عمر. وبعده العثمان أي عثمان بن عفان وهو الأكثر أو فعلي قبله خلف حكية أي certains ils ont cité علي avant عثمان قلت وقول الوقف جاء عن مالك أي certains ils n'ont pas tranché ils n'ont pas dit عثمان avant علي أو علي avant عثمان ils rapportent ça de عن الإمام مالك رحمه الله فالستة الباقون في البدرية أي les six qu'on a cité طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص etc فأحد فالبيعة المرضية أي نعم ensuite أحد البيعة المرضية أي il appelle بيعة الرضوان أي تحت الشجرة قال ومن الأدلة على تفضيل أبي بكر وتقديمه على غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والخليل كما هو معروف عند أهل اللغة c'est une martaba aliya fi al-mahabba al-khalil c'est comme le muhib lakin c'est plus fort c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme khalil et كذلك le prophète Ibrahim et les deux le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim c'est les meilleurs des messagers et des prophètes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est afdal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال si je devais choisir un khalil j'aurais choisi Abu Bakr Ça montre que c'est l'afdal. Yannal Khalil, c'est quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui est très proche. قال متفق عليه عن أبي سعيد وانفرد به مسلم عن ابن مسعود وجندب ابن عبد الله وانفرد به البخاري عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. الحديث اللي في الصحيحين dans certaines riwayats, certains صحابة, soit dans le Bukhari, soit dans Muslim فقط. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم Et ce hadith il montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était au courant de hada et tout le monde était au courant. L'imam Aliyan ibn Umar dit kunna nukhayyir. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait anna le meilleur de cette communauté, bien sûr après le prophète, c'est Abu Bakr. Après c'est Omar, après c'est Uthman. Wa ma ahad ankar. Ma ahad ankar. Et tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait le wahy. Ça montre anna hada, ça fait partie de notre din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a accepté. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن لم أجدك أي c'est la femme qui a dit هذا قالت أرأيت إن لم أجدك cette femme elle est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم pour lui demander quelque chose. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit de repasser et elle lui a dit يا رسول الله si je reviens t'es plus là. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, قال, إن لم تجديني فأتي أبا بكر. Ça montre à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a démontré que s'il n'est plus là, il faut revenir à Abu Bakr. Et ça fait partie des adillah, anna celui qui mérite le khalif après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr. Ça c'est min al-adillah qui montre à هذا. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا قال ثم إن عمر ندم. Donc Abu Bakr et Omar, il y a eu quelque chose de خفيف entre eux. ثم Abu Bakr est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et il a regretté. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a fait ce dua يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم عمر كذلك, il a regretté. Et ça montre que ça arrive entre mu'min. Quelque chose, une kalima, un énervement, ça arrive. On n'est pas ma'soum. Lakin ta'ammal le comportement. Annahum, ils ont des regrets après. Ils n'ont pas de rancœur envers leur frère. Celui qui s'est trompé, il demande pardon. Kadhalik, celui qui assiste, il ne reste pas en tant que spectateur. Kama yif'al al-ba'd. Il voit ses frères, anna hada yata'an fi hada, hada, il ne parle plus à hada. Et il est en spectateur, il parle un peu ma'a hada, un peu ma'a hada. Et ça ne le dérange pas. Ça, c'est pas min sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islah. Nasiha, il essaye de les rassembler. Si c'est quelque chose de futile, il les conseille. Ça arrive. Si le shaitan, il est rentré, kadhalik, il montre. Amma ba'dahum, là, tant qu'il n'est pas touché, huwa, ça ne le dérange pas. Un petit peu ici, un petit peu ici. Là, si tu vois tes frères, ça va mal, ça doit te faire quelque chose. Tu ne dois pas être tranquille. Tu essayes, tu fais tout pour les réconcilier. Après, si c'est des choses par rapport au din, par rapport à chaque chose, elle se règle. Même si c'est par rapport au din, on n'est pas ma'asoum. On lui montre, billati hiya ahsan, chaque cas, il doit se régler. Amma, la plupart des discordes qu'il y a entre frères, c'est des choses kathiran min ad-dunya, ou des choses qui ne méritent pas tout ça. Nahdhar, le shaitan, il fait tout pour diviser al-ikhwan. Le shaitan, il fait tout pour mettre de la rancœur entre les musulmans. Nous, chaque cas, on le règle. Et si c'est ton frère, il est à la haq, il est à la huda, assure Ali. Et ton frère, il n'est pas parfait, abadan. Et toi aussi, tu n'es pas parfait. Ton frère, il peut te dire une kalima qui te blesse. Toi, tu lui en as déjà dit, tu lui en diras. Ton frère, il peut, un jour, ça ne va pas, ça ne va pas. Il est énervé, ou il se met à l'écart. Ça arrive, assure Ali. Deuxième jour, ça ira, inshallah. هذا c'est muhim. Et on a un exemple là. Abu Bakr مع عمر. قال ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر. تأمل الأدب. أن عمر il a regretté, il est parti chez Abu Bakr. من البعض الآن il y a un petit problème, ربما il le هاجر un an au plus. لا يصلح. Et بعضهم tu les trouves, ils ont cette الشدة مع إخوانهم. Et tu les trouves مع أهل البدع والأهوى والضلال. Ils ont cette douceur. لا, avec ton frère أولا. قال فسأل أثم أبو بكر أثم ثم أي بمعنى هناك أسك أبو بكر إلي لا فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين أنه إلى دي سيدوما فوت قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يمنتخي منزلة أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit إن الله الله سبحانه وتعالى m'a envoyé et vous avez dit je suis un menteur. Et Abu Bakr il a dit صدقت. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr c'est le premier à avoir cru parmi les rijal et parmi les femmes Khadija radiyallahu anha. Abu Bakr c'était le premier croyant. Personne n'a cru au message du prophète صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr il a dit il est à la haq, صدقت, et il a cru. وواساني بنفسه وماله, et il m'a aidé avec son nafs et son mal. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي, est-ce que vous allez laisser mon compagnon, أي أبو بكر, مرتين فما أوذي بعدها, après هذا personne n'a plus fait de mal à أبو بكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a montré son rang. Ce hadith il montre أن أبو بكر c'est أفضل هذه الأمة. Et عمر كذلك il est على خير عظيم لا يطعن فيه إلا زنديق منافق. Et vous connaissez la rancœur de Ar-Rafida envers Omar ibn al-Khattab, لأنه il était شديد على أهل الكفر والنفاق. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aimait beaucoup, c'est أفضل هذه الأمة après Abu Bakr بالاتفاق. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك. عمرو بن العاص رضي الله عنه il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم c'est qui la personne que tu aimes le plus. قال عائشة, أي sa femme رضي الله تعالى عنها, فقلت من الرجال, et parmi les hommes. قال أبوها, أي parmi les hommes. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a répondu son père Abu Bakr, le père de Aisha. قلت ثم من, أي après Abu Bakr c'est qui. قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا, et ensuite il a cité des autres hommes. Donc في هذا الحديث clairement il a cité Aisha parmi les femmes et parmi les hommes Abu Bakr et ensuite Omar. وجاء عند مسلم عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه, قالت أبو بكر. Ils ont demandé à Aïcha c'est qui que si le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait désigné quelqu'un. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas désigné quelqu'un clairement après avant sa mort, أنه si je meurs c'est Fulan qui sera أمير المؤمنين. Il l'a pas dit directement comme ça. لكن il y a des hadiths qui montrent هذا. Comme cette femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je reviens et je ne te trouve pas, قال النبي صلى الله عليه وسلم tu viens voir Abu Bakr. Il y a des hadiths indirects entre guillemets qui montrent. أما حديث صريح بهذا اللفظ لا. لكن أهل السنة أجمعوا, l'unanimité des compagnons et de أهل السنة, أن c'est Abu Bakr الخليفة après le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ils ont demandé à Aïcha si le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait désigné quelqu'un, ça serait qui. قالت Abu Bakr. فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر. ça montre, vous avez remarqué que Aïcha, عمر بن العاص il a posé la question, النبي صلى الله عليه وسلم lui a répondu. ابن عمر كذلك, pourtant ابن عمر à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم pendant que النبي صلى الله عليه وسلم il était vivant il était petit, quand النبي صلى الله عليه وسلم il est mort il était très jeune. ça montre أن هؤلاء عندهم c'était معروف أن le meilleur de cette communauté c'était أبو بكر après le prophète. ثم عمر, vous avez remarqué qu'à chaque fois أبو بكر et après عمر et après Uthman, ça montre que c'était ma'rouf عندهم. لا ينكر هذا إلا الآن الروافض يطعنون في أبي بكر في عمر في عثمان. أما المسلم المؤمن فهذا معروف عند الجميع ولله الحمد. قال ثم قيل لها من بعد عمر, قالت أبو عبيد بن الجراح, ثم انتهت إلى هذا. ensuite elle a cité أبو عبيد, أبو عبيد بن الجراح, ثم انتهت. et أبو عبيد fait partie de العشرة المبشرين بالجنة. وجاء في البخاري عن أبي الحنفية, il fait partie de la descendance de Ali رضي الله عنه. قال قلت لي أبي, son fils علي بن أبي طالب, donc ابن الحنفية اسمه محمد فيما أذكر, il a demandé à son père علي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. et ça c'est important لأن الحديث il est في البخاري. et le fils de Ali demande à son père c'est qui le meilleur après Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر قلت ثم من, قال ثم عمر. ça montre أن الكذابين من الروافض والشيعة هؤلاء الضلال أنهم ils essayent de faire croire et de répondre أن علي l'a été lésé, ils ont été injustes envers lui et أنه il y avait de l'animosité entre lui et le reste des compagnons. c'est du kadib. علي il aimait Abu Bakr, عمر il aimait tous les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. لكن الضلال كيف يفعلون من الروافض يطعنون في الإمام البخاري Pour eux, c'est du mensonge. Il y en a un musulman, il va dire, mais le hadith, il est clair. Il est Sahih al-Bukhari. Al-Qawm, pour eux, le Bukhari, c'est pas un musulman. Fayata'anou la vie. Et ils disent que c'est des mensonges contre Ali. Alors que al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, ce livre, il a été accepté par l'unanimité des musulmans. Annahu, c'est as-sah al-kutub après le Coran. Lakin, al-Qawm, ils sont pas hawla l'islam. Al-Rawafid. Ils ne respectent pas le Sahaba, ils ne respectent pas l'A'imma, ils ne respectent pas les ouvrages, les références. Hatta le Coran, pour eux, il a été falsifié. Ah, le Qawm, il ne faut pas. Al-Haqiqa, il ne faut pas prendre en compte, en considération leurs paroles. Abadan. C'est pour ça que nous, on dit l'unanimité, il n'y a pas de khilaf. Et attention à cette idéologie que le Kuffar, ils essayent de propager dans les écoles et autres. Les courants de l'islam, ça se divise en deux, sunna et shi'a. Et eux, ils essayent de faire croire que c'est l'islam, et il y a deux courants de pensée, les sunnites et les chiites. Abadan, l'islam, c'est millatun wahida. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa atassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et il y a des sectes en islam. Il y a des sectes, des muslimines qui se sont entêtés à suivre certaines pensées, certains imams, et c'est devenu des sectes, des imams des égarés. Naam, amma penser que les rawafid et shi'a qui insultent les sahaba, c'est un courant. Parmi les courants de l'islam, abadan, haoulas des kafara, ils font partie en rien de l'islam. Wallahi, yanna ba'dahum, ils sont akfar min al-yahoud wa al-nasara. Et ça montre qu'un al-kuffar, yuharibun al-muslimin, bihada. Haribun, ils disent, c'est des chiites, c'est vos frères, on a divergé dans certaines choses. Ok, on a divergé dans certaines choses. On a divergé fi al-sahaba, on a divergé fi al-Qur'an, on a divergé fi al-aqida, on a divergé fi al-fiqh, on a divergé dans tout. Ils ont un din et on a notre din. Fal-hadar min hada. Qala. ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. Après Omar, il lui a dit, et ensuite toi, il lui a dit, Anna, je fais partie, je suis un homme parmi les musulmans. تواضع. Et là, chacun Ali, c'est un sahabi jalil, لا يطعن فيه إلا خبيث. إلا خبيث. لكن لا تغتر بالروافد أنهم c'est les partisans de Ali, c'est des كذابون. Ils sont pas حول Ali ولا حول أحد. Ils sont حول الهوى. Et c'est des kafara zanadiqa. Amma sunni, il aime Ali ibn Abi Talib. Il aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou al-ahadith fi fada'il Abi Bakr wa ghayrihi min al-sahaba kathira. Al-imam Ahmed rahmatullah alayhi, il a un livre, Fada'il al-sahaba. Ils l'ont imprimé en deux volumes et il cite tous ces ahadiths. Tanbihun tartib al-khulafa al-arba'a fi al-fadl ka tartibihim fi al-khilafa. Qala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما عن جميع الأمة. Donc ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. C'est ce qu'on a cité. L'ordre chronologique dans le temps, c'est par rapport au khilafa, c'était Abu Bakr le premier, après Omar, après Uthman, après Ali. C'est le même ordre في الفضل. Abu Bakr, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي. Et il rapporte la parole de l'imam al-Tahawi dans sa aqida. Qala awwalan li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tafdhilan lahu wa taqdiman ala jami' al-ummah. Donc Abu Bakr afdal hadhihi al-ummah. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Thumma li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ensuite Umar. Thumma li Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Thumma li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa humul khulafa al-rashidun al-a'imma al-mahdiyun. Kama fi hadith al-Irba. ابن سارية رضي الله عنه عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. C'est هؤلاء الخلفاء الراشدون. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Et إن شاء الله on étudiera ce hadith ensemble dans notre درس avec nos frères arabophones. L'explication des 40 نووية. الإمام النووي il a cité ce hadith. ذهب الوقت, on voulait finir, لكن إن شاء الله تعالى le prochain درس finira ces masail. Hukm man sabb al-sahaba, on verra. Il a cité en détail la parole de Cheikh l'Islam rahmatullah alayh bihada, ça sera complet. Kadhalik, il a cité des shubuhat raddan ala al-rawafid akhzahumullah fi al-ta'n ala al-sahaba, et il a cité des réponses à hada. Haqiqa, ce chapitre sur sahaba, il est complet wa fihi khair. Et on peut détailler plus, bien sûr, et l'ulama détaille plus dans les ouvrages mit مثل شرح طحاوية مثل شروحات الواسطية بلس. لكن في الحقيقة هذا الذي ما جمعه هنا فيه خير. صلى الله سبحانه وتعالى الثبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.